Audiomatique. La transmission 026 d'Audiomatique s'ouvrait avec la musique de l'artiste polonais Miro Kipinski, qui nous présentait sa composition « Be There », pièce-titre de son plus récent mini-album. D'ailleurs, les cinq premières personnes à nous écrire à l'adresse courriel audiomatique@gmail.com, donc audiomatique@gmail.com, ou par l'entremise de notre profil Facebook à facebook.com/audiomatique-cfou, recevront un code qui leur permettra de télécharger gratuitement le mini-album « Be There » de Miro. Alors, à vos claviers! Les prochains instants seront consacrés à l'écoute de sonorités synthétiques, parfois accompagnées d'instruments acoustiques, mais ayant toujours cette même base commune qu'est la musique électronique. Grâce aux transmissions d'Audiomatique, nous parcourons les époques en quête d'artistes qui ont apporté leur contribution à faire de ce genre une source inépuisable de jouissance auditive. D'ailleurs, les électronistes apportent eux aussi leur modeste contribution d'une façon à faire connaître diverses compositions électroniques, parfois connues et parfois obscures. Obscures dans le sens de méconnues, comme cette pièce de la formation italienne TH26, paru sur un vinyle 7 pouces publié en 150 exemplaires. Voici The Secret Closer. We wanted to be on terror. plundered by the beasts of prey. They didn't even realize that we were more than food. We lived from what they hunted. We wanted to be like them. Rituals and religions came to calm the beast of prey. A sacrifice for a forgiveness and to make it stay. Admiration and basic fear. This is what the enemy gets since millions of years. We had to stick together to protect ourselves. Conflicts occurred. An evil one had to be found. Someone had to die to calm the surge of man. La séquence se terminait avec une pièce de la formation Pankow, Crash and Burn, qui était remaniée par l'artiste Marc Urselli sous son projet de Memory Lab. Ce remix se retrouve sur le EP de Pankow intitulé Ogre, qui accompagne l'album And Shun the Cure They Most Desire, sur lequel apparaît la version originale de la pièce que nous avons entendue. Il s'agit là du plus récent album de Pankow, une formation italienne qui émergea en 1981. Avant Pankow, on entendait Anin Elias, une artiste qui s'est fait notamment connaître comme membre de la formation Atari Teenage Riot. La pièce que nous avons écoutée est tirée du troisième album solo de Anin Elias, intitulé Futur Noir. Et en tout début de séquence, c'était la formation TH26 qui nous offrait sa composition The Secret Closer, une composition qu'on retrouve sur le 7 pouces intitulé Intruder qui est paru en 2003. Voici pour la suite le duo belge Grand Signal à Audiomatic. Music. Electronic music. Nous entendions, tout juste avant la pause publicitaire, le projet montréalais Das Mortal, le projet du montréalais Cristobal Cortez, avec la pièce Blessure de son mini-album Never Forgotten. Das Mortal se produira cet été lors du festival Oceaga qui aura lieu au parc Jean Drapeau à Montréal les 31 juillet, 1er et 2 août prochains. Et pour débuter, il s'agissait de la collaboration entre Chiliskov Ivanovic de Grand K.O. et Jackie Meurice de Signal Out 42 qui ont créé le projet Grand Signal de qui nous entendions la pièce Electronic Music tirée de leur album Activation. Nous poursuivons avec une expérimentation sonore en solo de Paul Lemos, un musicien bien connu pour sa participation à la formation Controlled Bleeding. Voici sa pièce Hog Tied. sets. Cette séquence de deux pièces se concluait avec le projet Dominion de l'artiste Andrew Zavakovats, qu'on connaît plus particulièrement grâce à son autre projet un peu plus connu qui se nomme Data Bank A. La pièce Supply and Demand que nous écoutions se retrouve sur l'album Only the Strong Survive de Dominion, album qui fut publié en 1997. Et c'était Paul Lemos qui nous offrait auparavant Hogtide, une pièce paraissant sur l'album Phlegm Dive, qui regroupe diverses expérimentations que cet artiste new-yorkais a produit en 90 et 91. À Audiomatic, voici à l'instant le duo néo-brunswickois Vogue Dots. Oh, darling, when I'm with you, I find I'm able to lose control. Oh, darling, I never thought I'd be able to lose control. Oh, darling, when I'm with you, I find I'm able to lose control. Oh, darling, I never thought I'd be able to lose control. Nous terminions ce court segment musical avec l'artiste anglais Paul Dixon, qui se fait aussi appeler Fife, et qui nous présentait la chanson-titre de son dernier album, Control. Tout juste avant, c'était le duo d'Halifax, Vogue Dots, formé de Babette Hayward et Tynan Dunfield. Ils nous offraient leur composition Skinny Thing de leur mini-album Tosca. C'est presque tout pour cette transmission 026 d'Audiomatic. Nous mettrons un terme à l'émission avec The American Dollar et la pièce Somnambulance tirée de leur album homonyme. Avant de laisser la place aux dernières sonorités, les électronistes vous invitent à visiter la page Facebook de l'émission à Audiomatic CFOU, notamment pour réécouter nos anciennes transmissions. D'ici là, notez que nous sommes rediffusés tous les samedis, exceptionnellement à 16h cette semaine. Nous serons de retour en studio mercredi prochain à 18h pour vous proposer d'autres découvertes pigées dans le vaste et infini répertoire de la musique électronique. Restez à l'écoute, car les audacieuses suivent dans quelques instants. Mais tout juste avant, voici la formation The American Dollar et la pièce Somnambulance.